Également, parmi les choses qui corrompent le cœur, c'est l'exagération, l'excès dans la nourriture, les boissons, le sommeil. L'excès dans ces choses-là, ça rend le cœur mort. Comme a dit le Fudayl ibn Iyad, il a dit « Khaslatani tuqassiyani al-qalb, kathratul kalami wa kathratul akl » Deux choses qui rendent le cœur dur. Manger beaucoup et parler beaucoup. Parler beaucoup et manger beaucoup. Tu dois t'abstenir de parler. Et la règle de base, c'est le silence. Tu te tais et tu ne parles pas. Sauf avec un bien. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Tu te tais sauf pour dire un bien qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, au minimum un bien, une chose autorisée. Mais parler beaucoup et manger beaucoup, ça rend le cœur dur. L'imam Shafi'i rahimahullah dit: je n'ai pas été rassasié, ni de manger, depuis 16 ans. Depuis 16 ans, il n'a jamais mangé jusqu'à se rassasier. Il mange quelques bouchées, comme dans le hadith. Et un jour, c'est arrivé qu'il ait mangé beaucoup. Il a dit, je me suis fait vomir, car l'exagération de nourriture rend le corps lourd, alourdit le corps et endurcit le cœur et enlève l'intelligence et la bonne compréhension et ramène le sommeil et affaiblit dans l'adoration. Chaque chose rouille. Et la rouille du cœur, c'est l'excès dans la nourriture et dans les boissons. Et aussi le sommeil. Il est dit que parmi les serviteurs les plus aimés par Shaitan, celui qui mange beaucoup et qui dort beaucoup.